temps n'a pas fini avec le virus. Et comme la cohabitation risque de durer encore un peu, essayons de le regarder en face, droit dans les yeux, et à défaut de l'éradiquer, de le comprendre. Car oui, si un virus n'a pas d'entendement, les conséquences qu'il entraîne, elles, sont observables et, qui sait, modifiables. En clair, gardez en tête que le sens donné à une maladie dépend toujours de la façon dont elle bouleverse l'ordre social et l'ordre des corps. Alors comment le virus modifie notre société, nos comportements, et comment transforme-t-il les relations entre humains et non-humains? Nous avons 50 minutes pour mener l'enquête. Virus took on many shapes, the bear, the elk, the antelope, the elephant, the deer, the mineral, the iron, the copper, the coltan, the rubber, the coffee, the cotton, the sugar, the people, the people, the people, the germ traveled faster than the bullet, they harvest the mountainside, protect the crops, herd the cattle, the people, the people, the people, the people, the people, the women and children were separated from the men. They're divided us according to the regional filters of their minds. The violence of arrogance crawls into the air, nestles into the geospatial cortex. Non, là, je pense que tu dois éteindre ton portable. Mais t'es un ouf, venez pas à l'école, wesh. Mais tu vois bien qu'il y a consensus, là. Boulet. Alors moi je vous trouve un tout petit peu dur avec elle. Parce que cette génération ils ont grandi avec les portables. C'est comme nous avec les bouquins de maintenant. De toute façon c'est pas la peine de s'exciter, je vais finir par le tège mon téléphone. Mais non c'est... C'est SM, y'a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent ils font que parler de pain de mie ça me fait chier tu vois. C'est que pain de mie chimique. Non, en plus regarde comment ils écrivent pain de mie. Mm-hmm. C'est abusé, ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Non mais Victor déteste Twitter. Faux, j'ai des Twitter, j'aime ça. Toi t'as des Twitter. Oui j'ai des Twitter. C'est clair que c'est chimique le pain de mie mais dans ce cas-là on mange plus rien. À ce qui paraît, le surimi, c'est chimique aussi, mais c'est bon. Attends, alors, pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Quoi? C'est une putain de pandémie. Il y a une putain de pandémie. Une pandémie. T'es débile, toi. Une pandémie, c'est elle une pandémie. Elle est débile, elle est débile. Elle a écrit plein de pandémie. Il y a une énorme différence. C'est pas une pandémie, putain. C'est pas vrai. Alors ça a commencé il y a 2 semaines et demie au Venezuela, ça a été fulgurant. Et depuis 4 jours, il n'y a plus du tout de signal nulle part, même en Russie. Non mais sérieusement, vous allez croire des infos que vous voyez sur Internet? Non mais j'hallucine. C'est la fin de l'humanité, hein. Eh mais c'est bon, on a Internet, t'es dépressif, toi. C'est une catastrophe naturelle, c'est pas chez nous. C'est une pandémie, Maëva. Putain de merde. Et oui, il y a encore pas si longtemps, la pandémie relevait de la fiction. Là, c'est un extrait de Problemos, le film d'Éric Judor qui est sorti en 2017, donc avant la situation que nous sommes en train de vivre. Bonjour Frédéric Keck. Bonjour Adèle Fendette. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale et avec nous depuis Fontainebleau, c'est ça? C'est ça. Alors c'est avec vous qu'on va terminer cette semaine autour de la transmission en partenariat avec le festival Cité Philo qui devait se tenir ce mois-ci, qui sera donc en partie aura lieu de manière virtuelle. On devait enregistrer cette émission en public, on le fait en direct, en studio, enfin pour moi. Et on va s'intéresser à la dimension plus concrète de la transmission, non pas d'une manière symbolique, mais de manière, disons, physique, biologique, voire médicale. Mais vous êtes anthropologue, alors comment l'anthropologue que vous êtes peut-il définir ce qu'est une pandémie? C'est la question que posait l'extrait qu'on a entendu. Alors effectivement, qualifier une maladie de pandémie, ça change les réactions des autorités sanitaires et de la population à la maladie qui se transmet, puisque une pandémie, c'est une épidémie qui se répand sur l'ensemble de la planète et qui affecte les conditions d'existence de l'humanité tout entière. Et c'est justement parce qu'on a anticipé les pandémies et qu'on les a qualifiées par des mécanismes juridiques, que au moment où on déclare une pandémie, eh bien cela suscite à la fois des réactions de panique, mais aussi tout un ensemble de mécanismes sanitaires qui permettent justement de contrôler la propagation de l'épidémie. Vous avez publié cette année un livre qui s'appelle Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, aux éditions Zone Sensible. Un livre écrit avant la pandémie actuelle. Ça veut dire que la situation que nous vivons a eu des antécédents? Oui, cela fait une vingtaine d'années que les autorités sanitaires internationales se préparent aux pandémies. du fait de l'émergence de nouveaux virus auxquels l'humanité n'est pas immunisée. Le travail de préparation aux pandémies s'est notamment construit autour de la grippe. On pense par exemple à la grippe aviaire qui a émergé à Hong Kong en 1997 et à l'alerte à la pandémie de grippe en 2009 avec le H1N1 qui avait émergé sur des cochons au Mexique. La pandémie dans laquelle nous sommes rappelle plutôt le précédent du SRAS qui avait été une pandémie, même si on n'avait pas été affecté en France en 2003. Il y avait eu seulement quelques voyageurs qui revenaient d'Asie, mais c'était un virus nouveau qui venait des chauves-souris, qui a infecté 8000 personnes dans l'ensemble, surtout du continent asiatique, mais aussi à Toronto, et donc considéré comme pandémique, puisqu'il faut que deux continents soient concernés pour que l'OMS déclare un virus pandémique. Et donc, après, effectivement, l'émergence du SRAS, les chercheurs en virologie et les autorités sanitaires internationales se sont préparés à une possible émergence d'un nouveau virus SARS-CoV. On a eu effectivement une possibilité avec le MERS qui apparaissait sur les dromadaires en Arabie Saoudite en 2016, mais c'est seulement effectivement avec l'émergence de ce SARS-CoV-2 qu'on voit le potentiel pandémique des coronavirus quand ils se transmettent des chauves-souris aux humains. Alors on va essayer de comprendre ensemble ce matin comment les méthodes de l'anthropologie sociale vont pouvoir nous aider à comprendre comment une pandémie peut modifier notre relation entre humains, mais aussi les relations entre humains et non-humains, et comment, quelles sont les conséquences directes sur l'organisation sociale. C'est ça qui est très intéressant, puis on va voir que non seulement la pandémie que nous vivons a eu des précédents, ça vous l'avez dit, mais surtout que peut-être nos sociétés ne se construisent qu'en réaction à ce type de virus qui sont vécus comme des offensives. Les différentes réactions qu'on peut lister, réactions à la pandémie, vous le faites dans votre livre, ce sont des réactions alors qui consistent à anticiper les pandémies prochaines. On peut soit être dans la prévention, dans la précaution ou dans la préparation, c'est-à-dire être du côté de Boris Johnson, d'Emmanuel Macron ou de Chen Jianchen. Cette maladie est dangereuse et elle va se répandre encore plus. Et je dois être honnête avec les Britanniques, beaucoup plus de familles vont perdre des êtres chers prématurément. Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. D'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Comme le disait Louis Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Nous avons fait de notre mieux pour contenir la pandémie de Covid-19 grâce à notre expérience pour contrôler l'épidémie de SRAS en 2003. Une action prudente, une réponse adaptée et un déploiement rapide sont les trois clés de la réussite pour endiguer l'épidémie de Covid-19 à Taïwan. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, comment les méthodes, les outils propres à l'anthropologie peuvent nous aider à comprendre la pandémie que nous sommes en train de vivre. C'est en compagnie du directeur de recherche au CNRS, Frédéric Keck, que nous sommes ce matin. Lui est à distance, je suis en studio donc. Et on vient d'entendre trois voix qui sont trois attitudes, trois réactions possibles à la pandémie. Boris Johnson, Emmanuel Macron et Chen Jianchen, qui est le vice-président taïwanais. On a ici exactement, Frédéric Keck, l'attitude qui est de celle de la prévention, celle de la précaution et celle de la préparation. Je vous propose qu'on essaye de comprendre ensemble qu'est-ce qui distingue ces trois attitudes. Oui, merci d'avoir fait passer ces extraits parce qu'ils illustrent bien effectivement les distinctions que j'ai construites dans mon livre. Effectivement, c'est un livre d'anthropologie sociale et pas de santé publique parce que, au fond, je considère la transmission des virus des animaux aux humains, donc ce phénomène sur lequel Les autorités sanitaires ont les yeux rivés parce que c'est justement le point d'émergence des pandémies. Je considère ces transmissions comme des phénomènes universels sur lesquels les sociétés humaines prennent des points de vue divers, un peu comme Claude Lévi-Strauss a considéré la parenté, donc les règles d'alliance et de consanguinité comme des invariants à partir desquels les sociétés construisent des systèmes de classification différents. Dans toutes les sociétés, il y a des transmissions de maladies des animaux aux humains et cela révèle les continuités entre les animaux et les humains, mais aussi les discontinuités, puisque les humains vont se protéger de ces virus d'une façon qui révèle leur relation avec les non-humains. Donc, une première rationalité d'anticipation de ces transmissions, c'est effectivement la prévention qui consiste à dire, nous pouvons calculer les risques de la transmission, les coûts qu'elles vont imposer à la société. Et au fond, la causalité sociale est la même que la causalité biologique. Tout ça, c'est une question de bonne distribution de l'information. Et donc, il faut dire la vérité sur les risques de transmission de la maladie. Ça va coûter cher, ça va faire mal, mais au fond, on peut le faire. On est une société suffisamment forte. On peut assumer les pertes que ça va impliquer. C'est le discours libéral, effectivement, de Boris Johnson, qui était déjà... Avant qu'il ne tombe malade. Avant qu'il ne tombe malade, quand il a effectivement fait l'expérience sur lui-même. Il a changé d'avis. De l'épidémie. Mais effectivement, c'est un gouvernant qui considère que, au fond, l'épidémie révèle les forces et les faiblesses du corps social. Et ça, c'est un discours qu'on avait trouvé déjà chez Herbert Spencer, le fondateur de la sociologie britannique, quand il parle dans ses principes de sociologie de la fièvre aphteuse, qui est une maladie qui a beaucoup préoccupé les Anglais déjà à la fin du 19e siècle, parce que c'était une maladie vraiment du système industriel qui affectait les capacités de l'Angleterre à exporter sa viande bovine. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'abattages de bovins pour la fièvre aphteuse en Angleterre à la fin du 20e siècle. C'était déjà le cas à la fin du 19e siècle. Et donc Spencer, dans ses principes de sociologie, dit au fond les éleveurs ne comprennent pas bien les risques de transmission de l'épizoo aussi, hein, puisque c'est pas une épidémie, c'est quelque chose qui se transmet très rapidement entre animaux. Mais nous, les gouvernants, nous le savons, nous avons des experts, nous pouvons calculer les risques. Et donc il faut qu'on leur explique que l'activité industrielle entraîne un certain nombre de risques et surtout ne pas leur donner de compensation parce que cela augmenterait le coût de gestion de l'épidémie. Donc ça, c'est la prévention. C'est effectivement diffuser à la population les informations sur les risques, hein, puisque le pouvoir politique s'est redéfini à partir du 19e siècle par sa connaissance des risques de maladies dans la population. Mais est-ce que la position de Spencer est intéressante? Parce que vous l'avez dit dans son introduction à la science sociale, finalement, il va montrer comment il faut... En fait, il a une vision du social qui va suivre la causalité naturelle. Et dans un texte qui est assez très imagé, il est écrit en 1873, il illustre cette thèse-là. Et il dit ceci: au cabaret du village, l'ouvrier qui pérore en fumant sa pipe décide quelles mesures le Parlement devrait prendre pour arrêter la propagation de la fièvre aphteuse. À la ferme, le maître discourt sur la peste bovine tout en arrosant un marché. Il frappe la table du poing et jure qu'on lui a donné une indemnité trop faible pour les bestiaux qu'on lui a fait abattre pendant l'épidémie. Des esprits chez lesquels les conceptions des actions sociales sont aussi rudimentaires sont aussi des esprits disposés à nourrir des espérances insensées sur les bienfaits à attendre de l'action administrative. Ils semblent tous partir de ce postulat sous-entendu que chaque plaie sociale peut être guérie et que la guérison dépend de la loi. L'homme qui ignore l'existence d'un principe de causalité dans l'ordre physique a bien des chances de ne comprendre que fort confusément cette autre causalité plus subtil et plus complexe qui détermine les actes d'une société d'hommes constituée encore politique. Le texte est limpide, Frédéric Hecq, qui a vraiment l'avantage de nous donner à voir de manière assez caricaturale l'ouvrier, le paysan, le maître, etc. De voir de quelle manière ils vont ressaisir à leur compte ce que dit le gouvernement, et finalement on se rend compte qu'ils attendent beaucoup plus de choses de l'action administrative que d'une quelconque politique sanitaire. Oui, il y a une critique chez Spencer de la politique des affects, c'est-à-dire la façon dont un individu est affecté par une épidémie ne dit rien de la façon dont elle doit être gérée par le gouvernement, parce que le gouvernement est le seul à voir les longues chaînes de causalité qui produisent l'épidémie. Et là, on est vraiment dans une idée de la mondialisation. L'épidémie révèle les interdépendances entre les activités, alors que l'individu ne voit que la façon dont l'épidémie affecte son activité propre. Et donc, il y a une délégitimation de la part de Spencer de l'affect du besoin de soins, et de la douleur, du besoin de compensation, alors que effectivement, elle sera prise en compte dans la genèse de l'état social. Mmh. Mais il y a quand même un postulat très fort à identifier la causalité naturelle, la causalité, on peut dire, sociale ou politique. Au fond, on a envie de parler de la loi du plus fort, au fond. Et la science sociale ne serait que le décalque de cette loi-là qu'on dit naturelle et qui fait que ce sont les plus forts qui survivent. Oui, c'est-à-dire que la causalité naturelle, c'est l'entrechoquement des mécanismes, des organismes, et la causalité sociale, ça n'en est que le développement à une échelle plus large, qui est celle du gouvernement. La conséquence de cette position, c'est de, et ça Spencer le montre bien, c'est de justifier par exemple les politiques d'abattage. De dire que finalement, c'est en éradiquant les animaux qui sont censés être responsables de la propagation du virus, qu'on arrivera à freiner cette épidémie. Voilà, les politiques d'abattage étaient pratiquées au XIXe siècle en Angleterre, justement, comme un coup nécessaire à l'extension du libéralisme. Dès qu'un foyer affectait un élevage, il fallait abattre l'élevage de façon à ce que le commerce puisse reprendre. Et donc ça, c'est pour la dimension, donc de la méthode de prévention. La deuxième méthode, on l'a dit, c'est la précaution. Comment est-ce qu'on distingue la prévention de la précaution? Alors, la précaution, en fait, elle apparaît en Europe dans les années 1970 autour de la menace nucléaire, de la mobilisation en Allemagne des militants anti-nucléaires. Mais en fait, je montre qu'elle émerge dans le débat sur les épidémies d'origine animale avec la mise en place de la vaccination, puisque la vaccination était une alternative à l'abattage. Et en fait, dans le débat libéral, elle était considérée comme trop coûteuse, bien souvent, contre justement ces maladies de la mondialisation comme la fièvre aphteuse. Alors que j'essaye de montrer, du point de vue de l'anthropologie sociale, que à la fin du XIXe siècle, on considère les abattages massifs d'animaux comme outils de régulation des épidémies, ou des épisodes aussi, comme des sacrifices, justement en reprenant un concept théologique, comme des sacrifices qui manifestaient l'intervention de l'État. Ce qui permet de prendre en compte justement la façon dont ces abattages affectent les individus, l'écart finalement entre la signification des morts pour le gouvernement et la signification des morts pour l'individu. Donc si l'abattage d'animaux est un sacrifice, à ce moment-là, il faut trouver une option moins coûteuse, qui est plus acceptable par les individus. Et c'est à ce moment-là que se généralise, notamment grâce à la médecine pasteurienne, la vaccination, qui était une technique inventée en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle par la généralisation des techniques d'éleveurs, qui consiste à infecter un humain avec un virus de variole qu'on trouve chez des vaches, d'où le terme vaccine. Et donc on se rend compte à ce moment-là que un pathogène présent chez les humains, chez les animaux, pardon, peut déclencher une mémoire chez les humains s'il est atténué, et qu'on peut donc en généraliser le principe pour justifier l'intervention de l'État. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'État ne va pas intervenir seulement de façon brutale en abattant les animaux et en laissant l'économie repartir, mais il va intervenir de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus graduée par la vaccination qui suppose tout un savoir de la mémoire du corps social. Et effectivement, on voit Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie française, prendre le relais de Robertson Smith, qui est un des fondateurs de l'anthropologie britannique, pour dire, voilà, il y a effectivement, face à des nouvelles maladies, on peut faire un sacrifice, mais on peut aussi adapter les normes de façon beaucoup plus graduelle au corps des individus, et c'est la vaccination. La vaccination est une maladie nécessaire pour produire le corps social de façon à anticiper l'apparition de mauvaises rencontres avec des maladies. Oui, cette position de Durkheim, elle est assez étonnante, hein. Il va jusqu'à dire qu'une certaine dose de maladie est nécessaire pour comprendre la dynamique de la vie sociale. Là, on s'éloigne de la position de Spencer, parce que pour Durkheim, les lois de la vie sociale ne suivent pas celles de la causalité physique, au fond. C'est ça. L'État, du fait qu'il intervient par la vaccination, ajoute à la causalité biologique une causalité d'un genre nouveau qui adapte la réaction biologique à la réaction affective des individus. Donc c'est toute l'émergence du concept d'immunité qui est justement la prise en compte de ces phénomènes de mémoire à la fois dans le corps biologique et dans le corps social. Et donc, on sait que Durkheim construit toute sa sociologie sur ce principe de l'autonomie du social. En fait, l'autonomie du social, elle a déjà des racines dans la vaccination et elle permet à l'État d'intervenir avec ses motivations propres qui ne sont pas celles du marché. La variole que nous inoculons, dit Durkheim, par le vaccin est une véritable maladie que nous donnons volontairement et pourtant elle accroît nos chances de survie. Il y a peut-être bien d'autres cas où le trouble causé par la maladie est insignifiant à côté des immunités qu'elle confère. C'est assez incroyable de lire ces lignes aujourd'hui. Oui, effectivement, cette idée d'immunité était théorisée à l'époque par Metchnikoff à l'Institut Pasteur. Et elle reposait sur des relations entre les cellules, hein, entre les macrophages et les pathogènes. Mais Durkheim en donne une nouvelle théorisation, justement à partir de cette idée d'atténuation, hein, l'idée que la société peut agir au plus près des corps par la connaissance de leurs normes. Alors on a vu la méthode de la prévention avec comme armature théorique Herbert Spencer, celle de la précaution, on vient de le voir avec Émile Durkheim. La troisième qui nous reste à définir, Frédéric Heck, c'est celle de la préparation. Et alors là, cette fois-ci, pour essayer de la comprendre, c'est pas un sociologue, mais un philosophe, et c'est Bergson qui peut nous y aider. Dans quel sens? Alors, déjà, définissons Bergson, ce que c'est que la préparation, peut-être. Alors, la préparation, ça consiste face à un pathogène émergent du monde animal, à maximiser les chances qu'il passe aux humains et à imaginer ses conséquences catastrophiques. Donc, alors que la précaution va mettre en place la vaccination pour justement répondre à ce risque de transmission, préparation va partir d'une situation où l'émergence a des conséquences catastrophiques, où nous retrouvons un peu comme les premiers humains face à des pathogènes pour lesquels nous sommes démunis. Et donc, à ce moment-là, il faut imaginer la catastrophe pour en limiter les conséquences. Ça, c'est la définition que on voit apparaître dans les autorités sanitaires dans les années 1990. Il faut imaginer le pire, c'est ça? Il faut imaginer le pire pour, effectivement, en limiter les conséquences. Mmh. Et le pire, c'est effectivement un virus pour lequel nous n'avons pas de vaccin. Or, j'essaye de montrer dans le livre que si on reprend ce débat dans l'anthropologie sociale, la préparation a déjà été théorisée dans les années 1930 à travers le débat entre Bergson et Lévi-Brull autour de la façon dont les sociétés colonisées, on va dire ce qu'on appelait les sociétés primitives, réagissent à ces grandes campagnes de vaccination, puisque souvent les sociétés dites indigènes étaient un peu des cobayes de la vaccination. Bergson et Lévi-Brull discutent sur la façon dont la mentalité primitive réagit à la vaccination. Et effectivement, au lieu de faire confiance à l'État, comme les sociétés dites modernes, les indigènes imaginent que la vaccination est une sorte de sorcellerie et donc voient dans l'acte du vaccinateur une intention mauvaise. Or, en fait, Bergson dit, mais c'est normal, parce que dans notre raisonnement primitif, quand nous avons une action dont nous ne connaissons pas la causalité, eh bien, nous ajoutons à la causalité mécanique une intention pour rendre compte de l'effet de cette causalité sur nous. Par exemple, effectivement, quand une pierre tombe, on en connaît la causalité, mais quand on chute sur une pierre ou une souche qui est sur un chemin qu'on connaît bien, c'est qu'on a été, son attention a été détournée, et donc c'est qu'il y a un sorcier qui nous a envoûté. C'est la superstition, quoi. C'est la superstition, mais c'est la. Bergson parle de superstition, mais c'est plus généralement l'ensemble des croyances à la sorcellerie. Bergson remarque d'ailleurs que c'est tout à fait normal pour le chasseur, étant donné l'incertitude d'attraper sa proie, de prolonger l'action de sa flèche par une intention qui est celle de l'animal qui veut bien être tué. Donc il y a ces débats dans l'anthropologie sociale au moment où les politiques de vaccination sont contestées pour comprendre comment justement cette causalité qui est en train de refonder l'état social européen est contestée par une autre forme de causalité qu'on appelle à ce moment-là causalité mystique ou surnaturelle et qui est théorisée par Marcel Mauss puis par Claude Lévi-Strauss à travers les analyses de la magie. Donc voilà, c'est comment les sociétés indigènes colonisées vont mobiliser des causalités pour penser les émergences virales qui vont ensuite être utiles pour les sociétés mondialisées quand ces nouvelles maladies vont pas affecter seulement les pays du Sud, mais vont devenir des pandémies qui affectent l'ensemble de l'humanité. Et alors, selon ces trois méthodes, celle de la prévention, celle de la précaution et celle de la préparation, est-ce que, selon vous, il y en a une qui serait plus efficace qu'une autre? Est-ce qu'on assiste exactement à la mise en œuvre de ces trois méthodes? La première, Boris Johnson, comme on l'a entendu, la seconde serait peut-être Emmanuel Macron, et la troisième, c'est ce qui se passerait à Taïwan. Est-ce que c'est réducteur de dire ça, ou c'est à peu près vrai? Alors, que le ministre de la Santé de Taïwan se réclame de la préparation, même s'il la rattache à Pasteur, c'est pas étonnant dans la mesure où Taïwan, cette île aux frontières de la Chine populaire, s'est beaucoup redéfinie à partir de 2003, donc de la crise du SRAS, par sa capacité à anticiper des émergences virales depuis la Chine. Taïwan a des grosses ressources pharmaceutiques, donc est capable de produire des vaccins pour une nouvelle maladie très rapidement. Elle a aussi une forte industrie informatique, donc est capable de produire des informations très rapidement sur une nouvelle maladie. Donc c'est cette capacité à la réactivité, cette capacité à percevoir les signaux d'alerte précoce qui définit la préparation. On voit que l'État français, pour la Covid, autant qu'au moment de la crise de la vache folle, va plutôt se manifester par sa capacité justement à intervenir dans le corps social en refusant que la douleur individuelle soit le prix à payer, Mais effectivement, comme la vaccination n'est plus disponible, il reste le confinement qui équivaut quand même à une forme de restriction de liberté proche de ce qu'a été l'abattage massif pour au moment de la crise de la vache folle, puisque c'est parce qu'on n'avait pas de vaccin contre cette maladie qu'on a dû recourir à des techniques d'abattage ou de confinement. Le confinement était d'abord appliqué aux animaux. Et puis Boris Johnson, effectivement, veut simplement que l'État soit le relais du marché et qu'il oriente les douleurs individuelles vers un avenir meilleur, mais sans que l'État intervienne pour véritablement changer la direction de cet État. Donc on a effectivement trois stratégies face à la même transmission. Mmh. Et effectivement, ces trois stratégies, on peut aussi les décliner comme des façons plus ou moins rapides de réagir. Et on voit, alors que la pandémie s'est répandue, que la préparation est sans doute la technique la plus efficace, hein, puisque l'État, sans doute, en France, est intervenu mais avec des mesures très coûteuses. En Grande-Bretagne, l'État social a dû revenir après que le gouvernement se soit réclamé du marché. Et puis à Taïwan, une société démocratique, ouverte, on a pu continuer à travailler et à circuler malgré la proximité du foyer de l'épidémie. Donc pour être prêt, il faut imaginer le pire, voilà qui fera plaisir aux catastrophistes, même si c'est pas toujours aussi simple. Alors, vous avez dit que le confinement nous mettait finalement dans la position des animaux, puisque c'est les animaux avant qu'on confinait pour éviter qu'ils ne propagent le virus dont ils étaient eux-mêmes porteurs. Dans quelle mesure la pandémie va redéfinir les rapports entre humains et non-humains? On a souvent envie de convoquer des auteurs et des intellectuels qui ont travaillé sur ces questions, qui ne sont plus vivants aujourd'hui, pour savoir ce qu'ils auraient à dire de cette crise. Eh bien, figurez-vous que Claude Lévi-Strauss, c'était en 1996, avait lui assisté à l'épidémie de la vache folle, souvenez-vous, et il a écrit une leçon de sagesse des vaches folles dont je vous propose d'écouter un extrait dès à présent. Pour les Amérindiens et la plupart des peuples restés longtemps sans écriture, le temps des mythes fut celui où les hommes et les animaux n'étaient pas réellement distincts les uns des autres et pouvaient communiquer entre eux. Aujourd'hui encore, on dirait que nous restons confusément conscients de cette solidarité première entre toutes les formes de vie. Rien ne nous semble plus urgent que d'imprimer, dès la naissance ou presque, le sentiment de cette continuité dans l'esprit de nos jeunes enfants. Nous les entourons de simulacres d'animaux en caoutchouc ou en peluche, comme s'il fallait, dès l'âge le plus tendre, leur donner la nostalgie d'une unité qu'ils sauront vite révolue. Il n'est pas surprenant que tuer des êtres vivants pour s'en nourrir pose aux humains, qu'ils en soient conscients ou non, un problème philosophique que toutes les sociétés ont tenté de résoudre. Certains peuples sans écriture y voient une forme à peine atténuée de cannibalisme. Le lien entre l'alimentation carnée et un cannibalisme élargi ressort au premier plan avec l'épidémie des vaches folles, puisqu'à la crainte de contracter une maladie mortelle s'ajoute l'horreur que nous inspire traditionnellement le cannibalisme étendu maintenant aux bovins. Dans les sociétés occidentales, la consommation de viande tend spontanément à fléchir, comme si ces sociétés commençaient à changer de régime alimentaire. En ce cas, l'épidémie de la vache folle, en détournant les consommateurs de la viande, ne ferait qu'accélérer une évolution en cours. Elle lui ajouterait seulement une composante mystique faite du sentiment diffus que notre espèce paye pour avoir contrevenu à l'ordre naturel. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, un texte de Claude Lévi-Strauss lu par Bernard Gabay. Lévi-Strauss affirme dans ce texte qu'on a toujours eu le sentiment diffus que nous ne devions pas manger les animaux, mais que les épidémies renforcent ce sentiment en nous donnant l'impression, dit-il, que notre espèce paye pour avoir contrevenu à l'ordre naturel. De quelle manière ce texte, Frédéric Hack, qui a donc été écrit en 1996, au moment de l'épidémie de la vache folle, peut-il être lu différemment au regard de notre contexte aujourd'hui, à savoir la pandémie du coronavirus? Oui, Lévi-Strauss essaye en 1996 de radicaliser l'idée selon laquelle les vaches folles sont des vaches cannibales, c'est-à-dire que c'est la consommation de viande bovine recyclée ou de viande de mouton par les farines animales qui a amplifié la transmission du prion, donc ce qui a ensuite été transmis aux humains en causant des dégénérescences nerveuses. Et Lévi-Strauss dit finalement il faut aller chercher la leçon de ces vaches folles chez les sociétés cannibales, c'est-à-dire ces sociétés de chasseurs que Lévi-Strauss connaissait bien pour avoir étudié en Amazonie dans les années 30, ces sociétés de chasseurs qui pensent qu'elles communiquent avec les animaux au moyen de signaux et qui se racontent des mythes d'un temps où les animaux et les humains étaient en continuité. Et ces sociétés de chasseurs interprètent les maladies liées à la consommation de viande comme le signe qu'ils ont trop chassé ou mal chassé. Donc Lévi-Strauss dit finalement c'est un peu la même chose quand on doit gérer le risque d'infection par la consommation de viande bovine. On demande à des bovins d'être des émetteurs de signaux pour la santé du reste du troupeau. Alors Lévi-Strauss propose justement que la plus grande partie du troupeau bovin soit lâché de façon à revenir à l'état sauvage, mais que certains bovins soient maintenus à l'état domestique et même intégrés à l'humanité par l'ingestion ritualisée de viande qui fait qu'ils deviendraient donc cannibales, mais au sens où ils partageraient le mode de consommation humain et ainsi ils enverraient des signes des maladies qui peuvent se propager dans le reste du troupeau rendu à l'état sauvage. Et donc j'interprète ce texte très étonnant comme une préfiguration de ce qui va se mettre en place dans les années 2000, c'est-à-dire l'idée que puisque la frontière entre le sauvage et le domestique s'est brouillée du fait des mutations radicales de l'élevage animal, puisque les animaux sauvages sont de plus en plus en contact avec les animaux domestiques, du fait des transformations du marché, du trafic international d'animaux, eh bien, il faut mettre en place des sentinelles, c'est-à-dire des animaux qui vont envoyer des signaux d'alerte précoce des pathogènes qui circulent dans le milieu sauvage. Pas des sentinelles, ce sont des cobayes en fait, parce qu'ils sont utilisés pour. C'est les humains qui se servent des animaux pour comme lanceurs d'alerte au fond. Alors, ce sont effectivement, ce sont ni des cobayes ni des lanceurs d'alerte. J'essaye de faire la distinction au sens où la sentinelle, c'est un animal qui envoie des signaux de pathogènes depuis le milieu sauvage, hein, depuis la ligne de front, avec ce qui est souvent décrit dans les mobilisations sanitaires comme une guerre, hein, une guerre contre les virus, alors qu'en fait c'est juste, les virus sont juste des signaux de déplacement de frontières, hein, de changement d'écosystème. Donc la sentinelle envoie des informations sur ces mutations. Donc elle transforme effectivement une continuité virale en une discontinuité puisqu'elle donne une signification. Mmh. Cette mutation pour l'humanité, hein. Donc la sentinelle s'adresse à l'humanité puisque elle est affectée comme un animal, mais ça annonce une maladie pour l'humanité, alors que effectivement le cobaye en laboratoire répond à une question qui est posée par l'humanité, hein, le cobaye ne donne pas d'informations sur l'espace sauvage, il n'est pas en contact avec l'espace sauvage. Hein. Il est une réplication dans le laboratoire de ce qui se passe dans le monde animal, alors que la sentinelle est en contact avec l'ensemble des mutations, et pas seulement une mutation qui correspondrait à une question posée par le scientifique. C'est en ce sens, par exemple, que à Hong Kong, on a pu mettre en place des sentinelles aussi bien contre la grippe aviaire que contre le SRAS pour capter l'ensemble des mutations des animaux sauvages. Et puis le lanceur d'alerte, c'est un peu différent des sentinelles au sens où le lanceur d'alerte, lui, s'adresse, envoie un message dans l'espace public. Oui, puis c'est un humain, généralement. Et c'est généralement un humain. Donc ce message, ce signal d'alerte va entraîner une mobilisation. Et cette mobilisation peut grandir ou ne pas grandir. C'est justement le problème qu'on a eu au début de cette pandémie, c'est que les lanceurs d'alerte n'ont pas été écoutés alors que les sentinelles ont parfaitement fonctionné. Alors, mais de quelle manière, concrètement, est-ce que cette pandémie va modifier le rapport entre humains et non-humains? D'un côté, la méfiance semble s'accroître envers les non-humains, les animaux, puisque c'est d'eux que vient le virus. D'un autre côté, l'exemple que vous prenez de la sentinelle montre qu'on a tout intérêt à repenser un rapport qui soit, disons, utile pour l'humain, pour enrayer ces pandémies à l'échelle humaine. Est-ce que vous arrivez à mesurer le type de modification que va subir, enfin qui va être entraîné sur le rapport entre les humains et les non-humains? Alors, j'essaie de proposer sur le concept de sentinelle une radicalisation du point de vue un peu comparable à celle qu'a faite Claude Lévi-Strauss sur les vaches folles, c'est-à-dire de prendre au sérieux l'idée que nous avons des chasseurs de virus qui reconstruisent nos relations avec les animaux par ces signaux d'alerte qui nous envoient des pandémies à venir. En ce sens, les virologues qui suivent les mutations des virus chez les oiseaux ou chez les chauves-souris dans le sud de la Chine, mais aussi par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, sont un peu comme des chasseurs qui prennent le point de vue de ces espèces animales sur les changements de l'écosystème, qui imaginent qu'un virus rentre dans l'environnement humain par quel biais, par quelle voie, ce sera peut-être un marché ou un trafic illégal. Et donc, en changeant de point de vue, en ne considérant pas le monde sauvage comme un espace dangereux, un lieu d'inimitié, mais en le considérant plutôt comme un espace d'alliance, hein, les chasseurs de virus anticipent effectivement les épidémies. Et ce que j'ai observé dans mon enquête à Hong Kong, c'est que ces virologues se sont alliés avec des protecteurs des animaux sauvages. Alors ça peut être effectivement les associations d'observateurs d'oiseaux, mais ça peut être aussi les amateurs de chauves-souris qui sont nombreux en Europe qui commencent à faire entendre leur voix en Chine, puisque souvent les chauves-souris sont des espèces protégées et elles sont maintenant même considérées comme des espèces modèles pour la conception de l'immunité, puisqu'elles ont une capacité à vivre entre plusieurs espèces dans des grottes en échangeant des virus pour lesquels elles ne développent pas de symptômes. On travaille actuellement sur des systèmes immunitaires de chauves-souris pour comprendre quelles pourraient être les leçons à en tirer pour l'immunité des humains eux-mêmes. Vous employez l'image du chasseur, chasser le virus. En fait, c'est comme c'est de la traque, c'est pister les animaux pour comprendre le virus. Parce que le terme de chasseur aujourd'hui, il n'a pas forcément très bonne presse. D'ailleurs, le chasseur, c'est celui qui tue les animaux. Est-ce que l'homme va chasse le virus au sens où il le recherche, il mène l'enquête, où il veut l'éradiquer, et auquel cas les animaux ne seraient qu'un moyen dans cette chasse-là? Comment il faut le comprendre? Oui, le chasseur de virus, c'est la figure de celui qui va chercher ces virus émergents dans l'espace sauvage. Mais c'est aussi celui qui va prendre le point de vue de la proie. Prendre le point de vue du virus, c'est un peu difficile parce que le virus n'a pas d'intentionnalité. Mais plutôt prendre le point de vue de l'oiseau ou de la chauve-souris à travers le virus, c'est-à-dire le virus révèle les déplacements en fait de ces populations sauvages. Et si effectivement la proie n'est pas le virus, mais plutôt l'animal lui-même, puisque les virologues vont prélever des chauves-souris ou des oiseaux. À ce moment-là, on a effectivement un rapport qui n'est pas de destruction, hein, ou de de prédation au sens de justement de tuer l'ennemi, mais plutôt un rapport de justement de d'échange de points de vue entre le prédateur et la proie, puisque le chasseur prend le point de vue de l'animal qu'il traque effectivement au sens où il le piste, où il est capable de reconstituer les voies invisibles de ses déplacements. On se rend compte que le modèle dominant qui a eu ses vertus, mais il atteint ses limites, et il faudra en tirer des leçons, mais il faut qu'il y ait un après et un avant. Et quand on sera, et je l'espère, le plus vite possible, avec le moins de victimes possible, quand on verra le bout du tunnel, alors à ce moment-là, il faudra se retrouver dans l'unité, mais sur une vision, voir quel est le monde qui est possible. Tous les mondes ne sont pas possibles, mais cette globalisation, cette mondialisation effrénée, elle est confrontée aujourd'hui à une forme d'absurdité. Et puis ce modèle que l'on pensait le seul modèle, le modèle universel, le modèle économique de mondialisation, bah peut-être qu'on peut prendre conscience qu'il y a un autre modèle à inventer, un modèle qui va plutôt favoriser la proximité plutôt que les flux tendus de commerciaux, d'échanges de marchandises et de personnes, et un modèle surtout dont on sentait bien intimement quelque part que l'on ne le pilotait plus. Et vous savez, je crois que nous recevons, pardon d'expression, mais une sorte d'ultimatum de la nature. Eh bien, que nous l'entendions pour une fois. L'entendre, ça veut dire que nous en tirions des leçons, mais pas pour nous diviser, pas pour nous confronter, pour nous additionner, voilà, et pour nous élever. Frédéric Keck, le paradigme de l'homme chasseur de virus que vous venez d'énoncer, est-ce un modèle alternatif à celui plus répandu d'une nature qui se vengerait, une nature vengeresse qui est ici décrite par Nicolas Hulot, par exemple? Oui, alors Nicolas Hulot fait son rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire que il invoque une causalité intentionnelle qui serait celle de la nature, hein, qui se vengerait de la destruction que nous lui avons imposée. Et effectivement, on est un peu ici presque dans l'ordre de l'élan vital de Bergson, hein. Que certains héros seraient capables d'interpréter et qui nous amèneraient à changer nos comportements. Donc ça, c'est tout à fait son rôle. Moi, en tant qu'anthropologue, j'essaye d'être au plus près des pratiques des virologues avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, je donne à cette idée de vengeance de la nature un peu une autre signification qui est plus proche de ce que Bergson appelle la religion statique et pas la religion dynamique, hein, non pas celle des héros mystiques, mais celle des sociétés de chasseurs. Et donc j'essaye de comprendre comment ces petites mutations des virus effectivement peuvent être interprétées comme des signes de grandes catastrophes pour l'humanité. C'est ce qui s'est passé au moment du SRAS, hein, où déjà à Hong Kong, on s'est rendu compte qu'il suffisait effectivement d'une petite mutation pour qu'un virus tout à fait bénin chez les animaux et chez les humains cause des réactions imprévisibles en se transmettant au travers des frontières d'espèces. Et là, on a vu effectivement l'interruption d'une société libérale qui reposait sur la circulation des personnes et des marchandises. Donc le problème du chasseur de virus, c'est effectivement de comprendre comment ces petites mutations aléatoires... Frédéric Keck, la liaison n'est pas très bonne. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. J'espère que on va vous retrouver. Est-ce que vous êtes là? Mais effectivement, dans les deux cas, que ce soit la religion statique ou la religion dynamique, il faut entendre ces lanceurs d'alerte. On terminera là-dessus. Mais est-ce que la mise en œuvre de la chasse au virus, telle que vous l'appelez de vos voeux, peut-être un moyen d'accompagner la transformation écologique et peut-être de faire en sorte que la catastrophe écologique qui nous attend soit, si ce n'est évité, du moins ralentie. Est-ce qu'il y a une application écologique directe à la chasse au virus? Oui, effectivement, j'essaie de généraliser les pratiques des chasseurs de virus. Je parle de pouvoir synergétique au sens de ce que Grégoire Chamaillou a révélé comme une alternative au pouvoir pastoral, qui est, selon Michel Foucault, la source de notre forme de pouvoir moderne, qui se divise entre les libéraux et l'État social. Il y a effectivement par rapport à la prévention, donc l'État libéral, et à la précaution, l'État social, il y a effectivement une troisième voie qui serait des formes de gestion des épidémies qui seraient plus proches des transformations des écosystèmes et qui feraient plus participer l'ensemble de ceux qui connaissent les mutations des écosystèmes, parce que justement ils s'attachent aux espèces qui sont en jeu. Et donc ce pouvoir synergétique, c'est mon petit écart avec Grégoire Chamaillou, je ne le vois pas comme une forme de violence intrinsèque à la modernité, mais je le vois effectivement comme une ressource que nous pourrions retrouver justement dans ces sociétés de chasseurs qui continuent à prendre le point de vue des animaux. Merci beaucoup Frédéric Keck d'avoir été avec nous à distance ce matin. Je renvoie les éditeurs à votre livre « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine » qui a été écrit avant le confinement, je précise, avant le premier confinement et qui est disponible aux éditions Zone Sensible. Et puis un autre livre également, « Signaux d'alerte, contagion virale, justice sociale, crise environnementale, comment se préparer aux prochaines pandémies ». Cela a été écrit avant ou après le premier confinement, Frédéric Keck? Entre les deux. Entre les deux, bah voilà. Donc après entre le premier. Entre le premier et le deuxième. Voilà, et bah, elle est disponible aux éditions d'Esclée de Brouwer. Merci beaucoup. Et puis j'espère que la prochaine fois, vous pourrez être en studio avec nous. On se quitte comme tous les jours en chanson. C'est une guerre, cette fois-ci, chantée par les Goguettes, la guerre du coronavirus. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, en direct de mes sanitaires, nonobstant l'absence de lotus, sachez que la guerre que je préfère, c'est celle du coronavirus. Sachez que la guerre que je préfère, c'est celle du coronavirus. Oui, contrairement à la Grande Guerre, j'ai pas dû rejoindre Verdun, mais ma résidence secondaire, sur la côte à la Baule-les-Pins, où je passe des journées entières, sur le canapé devant Canal+, on peut pas dire que ce soit l'enfer, ma guerre du coronavirus, on peut pas dire que ce soit l'enfer, ma guerre du coronavirus. Mieux que la Seconde Guerre mondiale, pas besoin de prendre le maquis pour être un héros national. Cette fois Jean Moulin reste ici, respecte les gestes barrières, n'éternue plus dans l'autobus, c'est comme ça qu'on gagnera la guerre du coronavirus, c'est comme ça qu'on gagnera la guerre du coronavirus. Stalingrad, Austerlitz, Carthage sont des batailles de deuxième rang. Si on les compare au carnage d'une après-midi à Auchan, au rayon des pâtes j'ai souffert juste pour un paquet de plus. J'espère avoir la croix de guerre de la guerre du coronavirus. J'espère avoir la croix de guerre de la guerre du coronavirus. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour, Adèle. Vous êtes à distance, mais vous continuez à vous poser et à nous poser une question par jour. La question du jour, la voici. La vérité est-elle d'une banalité consternante? Alors, c'est par une lecture suivie de l'Hippias majeur, dialogue platonicien secondaire dans lequel est débattue la question du beau, que notre prof de philo, en terminale, nous avait lancé dans l'aventure philosophique. J'y étais entré avec passion et un rien de mauvais esprit en me concentrant non pas sur les immortelles répliques de Socrate, mais sur les réparties plus oubliables d'Hippias. Je m'étais ainsi amusé à supprimer carrément les répliques de Socrate et à ne garder que les relances de son interlocuteur. Cela donnait la chose suivante, assurément, tout à fait, à n'en pas douter, cela est vrai, c'est la vérité, on ne pourrait pas le dire autrement, cela est assuré. Techniquement, le dialogue platonicien est ainsi un objet, comme cette chronique, un peu truqué. Pardon de dévoiler aux auditeurs un lourd secret radiophonique, mais ce sont en général les chroniqueurs qui écrivent leurs propres répliques. Pas du tout. Merveilleuse réplique qui nous amène d'un sophiste à l'autre, de Hippias à Épiménide, sur les rivages indécidables du paradoxe du crétois. Si moi, crétois, je dis que tous les crétois sont menteurs, est-ce que je dis la vérité. Oui, c'est un paradoxe qui montre que la vérité n'est pas d'une banalité consternante. Mais puisqu'il est maintenant entendu que Platon rédigeait à la fois les répliques de Socrate et celles de ses interlocuteurs, on a peut-être trouvé là, presque accidentellement, la réponse à l'une des plus vieilles questions de la philosophie, la question du lieu du platonisme. Lieu du platonisme trop souvent caricaturé en ciel des idées. Mais si on reste au niveau de la littéralité du texte, où est le platonisme? La réponse traditionnellement admise, c'est qu'il est dans les répliques de ce personnage appelé Socrate, qui n'a laissé aucun écrit, mais dont Platon, son élève le plus brillant, aurait été le script scrupuleux avant de s'émanciper. Notre dialogue, l'Hippias majeur, appartient certes au corpus des dialogues de jeunesse, mais une oreille attentive devrait déjà être en mesure de percevoir les premiers pas timides de la doctrine platonicienne, du monde dialectique des apparences vers le domaine de l'intelligible pur. Mais on peut aussi tenter l'hypothèse provocatrice suivante. Cet intelligible pur, c'est peut-être dans les répliques d'Hippias qu'on l'entend le mieux. Assurément, cela est vrai, à n'en point douter. Il serait là, dans cette éco-tautologie du vrai, le vrai lieu du platonisme. Sacrée découverte. Oui, et découverte un peu déprimante aussi. Le vrai serait répétitif, plat et non dialectique. Le vrai n'aurait à vrai dire pas grand-chose à nous dire. Il serait unique, universel et monosyllabique. Or, c'est là quelque chose qu'on retrouve à l'autre bout de l'histoire de la philosophie, notamment chez le logicien Frege. Toutes les choses vraies dénotent la même chose. Cette chose, dira après lui Wittgenstein, c'est le monde en tant que totalité des faits. C'est à la fois très beau et un peu triste. J'ai du mal à ne pas lire cela comme une victoire tardive du sophiste Hippias sur les tournements platoniciens de la vérité. Dis ce qui est, ne dis pas ce qui n'est pas. Et donc, pour répondre à votre question initiale, Aurélien, la vérité serait donc d'une consternante banalité. Cela semble bien être le cas, et c'est presque, après la mort de Socrate, un autre suicide de la philosophie. Le vrai, objet traditionnel, obsessionnel de la philosophie, aurait fini par dévorer celle-ci, la sagesse aurait été atteinte, et avec elle un ennui éternel et tautologique. À moins, solution hautement improbable, qu'il puisse exister un au-delà du vrai. Quelque chose en Wittgenstein aurait timidement reconnu l'existence avant d'enterrer farouchement le contenu. Quelque chose dont les philosophes se méfieraient parce qu'il ne relèverait plus de la vérité logique, mais du mysticisme. Merci beaucoup Aurélien pour cette mise en abîme entre votre chronique et les dialogues platoniciens. Merci d'écrire mes répliques chaque jour. Je fais mon mieux pour les interpréter, hein, vous le savez bien. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, et c'est un travail formidable fourni quotidiennement dans des conditions difficiles, c'est-à-dire dans des conditions confinées. L'équipe des Chemins de la Philosophie, j'ai plaisir à les nommer chaque jour. C'est Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malanda qui a réalisé pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. À la lecture des textes cette semaine, Bernard Gabet, lui aussi confiné chez lui. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série des Chemins. Lundi, comme on sera toujours confiné, eh bien on sera en confinement avec Gaston Bachelard. Je vous propose 4 émissions pour essayer de voir ce que ça fait que d'être confiné avec quelqu'un comme Bachelard, ce que signifie habiter une maison, ce que signifie rêver, ce que signifie prendre l'air 1 heure par jour, mais aussi se réchauffer au coin du feu. Ce sera l'occasion de lire et relire les textes majeurs de Gaston Bachelard. J'ai déjà hâte, je vous le dis, mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, pour réécouter l'émission en ligne, ou bien vous pouvez la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.